Ce soir d'Halloween, Neuilly-sur-Seine semble bien calme et silencieuse. Les volets sont fermés, les réverbères éteints, un épais brouillard recouvre la ville, ne laissant entrevoir que des ombres et des silhouettes étranges. Virginie, au contraire, est tout agitée. Son chat Chipolata s'est enfoui et a disparu dans la nuit. Que faire ? Attendre le lever du jour ? Crier à l'aide ? N'écoutant que son courage, Virginie se munit d'une lampe de poche et part à la recherche de Chipolata dans les rues de Neuilly-sur-Seine. Elle commence par l'hôtel de ville. L'endroit est froid, sombre et semble abandonné. Cependant, Virginie perçoit une odeur fétide et répugnante. Elle s'approche de l'accueil quand soudain, un zombie décharné et menaçant l'interpelle. « Que faites-vous ici ?»« Je cherche mon chat. L'avez-vous vu ?»« Ah, un chat. J'aime voir les chats déchiqueter les souris. »« Mais c'est dégoûtant. »« Mais parfois, je les mange. » Les chats ? Oui, ils sont très bons, vous savez. Mieux que la chair humaine. Vous avez pas mangé mon Chipolata quand même ? Non, il était tout noir, donc je ne l'ai pas très très bien vu. Vous savez, depuis, je ne vois pas vraiment très bien. Vous avez besoin de lunettes, monsieur le zombie ? Oh non ! Les zombies, ça ne porte pas de lunettes, voyons. Ah, ok. Et alors, vous n'avez pas vu mon chat ? Je crois qu'il s'est dirigé vers la gare, voir le vampire. Il y a un vampire ? Ok, bah, je vais aller le voir. Au revoir, mort-vivant. En descendant les escaliers du métro Pont de Neuilly, Virginie fait la rencontre de dizaines de chauves-souris dansant au-dessus de sa tête comme pour lui souhaiter la bienvenue. La jeune fille longe les couloirs pendant de longues minutes et arrive enfin à hauteur du vampire. Bonjour monsieur vampire, avez-vous vu mon chat ? Il s'appelle Chipolata. Non, je ne l'ai pas vu. Et si je l'avais vu, je l'aurais dévoré. Quoique le sang de chat, c'est dégoûtant. Ah bon, vous l'auriez dévoré ? Oh, mais pourquoi ? Parce que vous aimez les chats ? Oui, j'adore. Croc. Ouh là là, moi j'ai très très peur. Est-ce que vous allez me croquer aussi ? Non, je ne vais pas vous croquer. Je ne croque pas les humains. Non. Vous reprendrez bien un verre ? Un verre de quoi ? Un verre de sang ? Non, merci. Est-ce que vous avez vu mon chat ? Peut-être qu'il est parti dans la rue sombre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Va voir le monstre, il saura peut-être où est ton chat. Vision d'horreur. L'eau des bassins est passée de bleu à vert, et les baigneurs ont laissé leur place à toutes sortes d'insectes dégoûtants et aux rats venus se laver. Dans le bassin extérieur, une forme gigantesque et indéfinissable surgit de l'eau et se présente face à Virginie. Bonjour le monstre, avez-vous vu mon chat ? Je ne suis pas très gentille avec les chats. Je ne les aime pas trop car ils ne savent même pas nager. D'habitude, il n'y en a jamais ici. Mais je crois en avoir vu un. Il s'est caché dans les vestiaires, mais je crois qu'il est parti déjà. Ah bon, ah bon ? Est-ce que c'était le mien ? Il s'appelle Chipolata. Il est tout noir. Chipolata ? Quel drôle de nom ! Il a bondi et il s'est dirigé vers le Théâtre des Sablons. Les rideaux du Théâtre des Sablons sont à moitié fermés, ne laissant qu'entrevoir une partie de la scène. « Monsieur Fantôme, dit Virginie, vous êtes là ?» Une petite tête recouverte d'un drap apparaît par derrière les rideaux. « Bonjour monsieur le fantôme, avez-vous vu mon chat ?»« Oh, un chat ? Les chats ?» Je n'aime pas ça, car à chaque fois, ils me font éternuer. Ouh ! En plus, le soir, il y en a souvent qui rôdent ici. Et donc, moi, je me cache toujours quand ils arrivent. Donc, je ne fais jamais attention à eux. Ah bon ? Alors, vous l'avez pas vu ? Bah, Je préfère ne pas l'avoir vue, car je déteste vraiment ça. Mais il est mignon, mon chat. Il est tout petit, il est tout noir, et il s'appelle Chipolata. Chipolata ? Quel drôle de nom. D'habitude, je n'en vois jamais, mais je crois peut-être l'avoir vu. Ah bon ? Où ça ? Où ça ? Près des coulisses. Mais maintenant, il a dû s'échapper. Ah bon ? Et pour aller où ? Voir le loup-garou, bien sûr. L'île de la Jatte ressemble désormais à une jungle sauvage. Toutes les bêtes sont cachées dans les arbres et derrière les buissons, comme pour éviter de se faire voir par quelque chose de plus grand et de plus dangereux qu'elles. Le nez plongé dans une poubelle, le loup-garou arrête son repas, une odeur de chair fraîche alertant ses narines. Pardon, avez-vous vu mon chat ? Je n'aime pas les chats, ils sont trop solitaires. Ah bon ? Et vous êtes solitaire ou vous rencontrez d'autres gens ? Les gens que je rencontre, je les mange. Ah bon ? Et vous mangez les chats aussi ? Quand ils m'énervent, oui. Ah, et vous avez mangé le mien ? Et ce qui est noir ? Oui, il est tout noir et avec des grands yeux verts. Les chats noirs, ça porte malheur. Je pense qu'il est allé voir le squelette qui se trouve dans l'école. Virginie pénètre dans la classe de sciences. Assis sur le rebord de la fenêtre, Oscar le squelette observe la cour, l'air perdu dans ses pensées. Bonjour monsieur le squelette, avez-vous vu mon chat ? Je n'ai pas vu ton chat. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Parce que des fois, il vient à l'école avec moi. Non. Vous êtes sûr ? Il s'appelle Chipolata. Il est tout noir avec des grands yeux verts. Je ne connais que les chats en forme de squelette. Ah bon ? Et c'est grand, un squelette de chat ? Non, c'est assez petit. Moi, j'en ai jamais vu, parce que mon chat, moi, il est tout en poils. Pourquoi vous êtes tout en os, d'ailleurs ? Parce que je suis mort il y a 155 ans. C'était il y a fort, fort longtemps. Et de quoi vous êtes mort ? Je suis tombé d'une falaise. Et qu'est-ce que vous faites, là, dans l'école ? Je me rappelle mes souvenirs nostalgiques quand j'étais en CE2. Il y a fort longtemps. Vous savez où vont les chats ? Je crois que je l'ai peut-être vu au jardin d'acclimatation. Dans le jardin d'acclimatation, tous les manèges sont à l'arrêt. Les enclos des animaux sont ouverts et délaissés par ses anciens résidents. Perché sur le toit du carrousel Louis Vuitton, Dark Vador s'entraîne au sabre laser, se rappelant son ancienne gloire à bord de l'Étoile Noire. Bonjour, monsieur Dark Vador. Avez-vous vu mon chat ? Je n'aime pas le chat. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont sales. Ils mettent des poils partout, dans mon appareil respiratoire. Ah oui, c'est vrai, mon chat, il perd beaucoup les poils. Si vous suivez ses poils, vous pourrez peut-être le retrouver. C'est une bonne idée, ça. En fait, vous êtes gentil. Si on veut. Ah, d'accord. Mais je crois que là, j'en vois pas des poils de chat. Alors, comment je pourrais faire ? Je ne sais pas. Il est impressionnant, votre sabre laser. Je l'ai eu quand j'étais jeune Jedi, à 10 ans. Ah ouais, c'est impressionnant. Et sinon, vous avez toujours pas vu mon chat ? Votre chat ? Et peut-être à la médiathèque. Au milieu des étagères, des livres de cuisine, une vieille dame au nez crochu et poilu verse différentes substances dans un énorme chaudron, comme si elle préparait une soupe géante. Virginie interrompt la sorcière. Bonjour madame la sorcière. Avez-vous vu mon chat ? Non, je ne l'ai pas vu. Sinon, j'aurais utilisé pour faire une potion. Et dans cette soupe que vous voyez, il y aurait des poils noirs de chat. Vous auriez utilisé que ces poils, hein ? Pas tout entier, hein ? Non, bien sûr que non. Je suis la meilleure amie des chats. Ah, ça me rassure. Et donc, vous aimez beaucoup les chats ? Je les adore. À pique, à la pique, à la boue. Oh là là, et ça sert à quoi ces formules magiques ? Ça dépend. Il y en a une que ça sert à faire venir mon balai. Ah bon ? Et avec ça, vous avez pas vu mon chat ? Allez voir au cinéma, voir un bon film d'horreur. Peut-être que votre chat se trouve là-bas et en train de regarder un film. Merci. Je vais aller voir. Au guichet, personne. Virginie s'aventure dans la plus grande salle du cinéma. Face à l'écran, au tout premier rang, un corps sans tête, pot de pop-corn sous les bras, semble s'être assoupi. Bonjour madame, avez-vous vu mon chat ? Je ne sais pas, mais je crois l'avoir entendu. Ah bon ? Où ça ? Où est-ce que vous l'avez entendu ? Je ne sais pas, car ça résonnait dans la salle. Et peut-être qu'il est parti... Ailleurs ? Je ne sais pas où il est parti, mais je suis sûre d'avoir entendu des miaulements et qu'il ne venait pas du film d'horreur que je suis en train de regarder. Vous regardez des films d'horreur ? Bien sûr, j'adore ça. Avec un bon pot de pop-corn, c'est excellent. Elle est passée où, votre tête ? Je ne sais pas, je m'occupe plus à la chercher tellement elle part tout le temps. C'est terrifiant. Est-ce que vous pensez que mon chat, il est là ? Oh oui, je pense qu'il peut être là. Et si on lui cherchait ensemble ? D'accord. Chipolata, où est-ce que tu te caches ? Chipolata, où est-ce que tu te caches ? Je crois l'avoir entendu miauler. C'est où ? À côté de l'écran. Vous ne le voyez pas, on voit son ombre. Ah si, il est là. Je le vois. Oh, merci, madame. De rien. Oh, c'est mon chat, c'est mon Chipolata d'amour. Je crois qu'il avait envie de regarder un film d'horreur avec moi. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Virginie et de son chat Chipolata, disparu dans les rues de Neuilly-Hanté. J'espère que vous avez tremblé et eu des sueurs froides en l'écoutant. Je vous dis à bientôt et surtout, joyeux Halloween. Ha ha ha ha!